Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 Pronom possessif 2 Pronom possessif 2 النظارة Les lunettes. Les lunettes. لقد نسي نظارته. Il a oublié ses lunettes. Il a oublié ses lunettes. أين ترك نظارته يا ترى؟ Où a-t-il donc mis ses lunettes? Où a-t-il donc mis ses lunettes? الساعة. La montre, l'horloge. La montre, l'horloge. الساعة عاطلة. Sa montre est cassée. Sa montre est cassée. الساعة معلقة على الحائط. L'horloge est accrochée au mur. L'horloge est accrochée au mur. جواز السفر. Le passeport. Le passeport. لقد فقد جواز سفره. Il a perdu son passeport. Il a perdu son passeport. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Où a-t-il donc mis son passeport? Où a-t-il donc mis son passeport? Hum, hun, al-khas bihum, bihin. Il, leur. Il, leur. لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. Les enfants ne peuvent pas trouver leurs parents. Les enfants ne peuvent pas trouver leurs parents. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Mais voici leurs parents qui arrivent juste à l'instant. Mais voici leurs parents qui arrivent juste à l'instant. أنتم كم الخاص بكم. Vous, votre. Vous, votre. كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ Comment s'est passé votre voyage, monsieur Müller? Comment s'est passé votre voyage, monsieur Müller? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ Où est votre femme, monsieur Müller? Où est votre femme, monsieur Müller? Enti, ka, hadrataki, al-khas biki. Vous, votre. Vous, votre. كيف كانت رحلة حضرتكي, madame Smith? Comment s'est passé votre voyage, Madame Schmidt? Comment s'est passé votre voyage, Madame Schmidt? أين زوج حضرتك, Madame Smith? Où est votre mari, Madame Schmidt? Où est votre mari, Madame Schmidt?